إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وكم سلا أيتانسي. Le titre de cette conférence est le comportement de la femme musulmane dans son foyer. Et il n'y a pas de doute que ce genre de conférences sont très importantes, surtout lorsqu'on sait que nous vivons à une époque où beaucoup de prédications sont présentes, et notamment chez les mécréants, et ces prédications ont pour but de détourner la femme des bonnes mœurs et du bon comportement. De ce fait, il est important de rappeler à la femme musulmane quel est le comportement qu'elle doit adopter dans son foyer. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde, que les savants nous disent que le comportement est de deux catégories. Tout d'abord, nous avons le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, le comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de comportement, le comportement vis-à-vis des créatures. Et nous allons commencer par la première catégorie, qui est le comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le comportement vis-à-vis d'Allah azza wa jal, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné aux créatures, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Ainsi, le plus grand comportement que la femme musulmane doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. Et il n'y a pas de doute dans cela. Et les preuves à cela sont nombreuses. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah: Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens aux hommes: adorez votre Seigneur. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum, aux hommes, adorez votre Seigneur. Et il a été rapporté de manière authentique d'après Abdullah ibn Abbas, qui a dit que tout ordre d'adoration dans le Coran est un ordre de tawhid. Également, la première action qui a été mentionné dans le Coran, c'est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Par conséquent, le plus grand comportement que la femme musulmane doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. Et comme vous le savez, les savants de cette communauté ont défini le tawhid par leurs paroles: Ifradullah bima yartassu bihi, c'est-à-dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et ce qui est propre à notre Seigneur Azza wa Jal est de trois catégories. Nous avons la seigneurie tout d'abord, ensuite nous avons l'adoration, puis pour finir, nous avons ses noms et ses attributs. Et concernant la première catégorie de tawhid, qui est l'unicité de la seigneurie, les savants l'ont défini comme étant ifradullah bi af'alihi, unifier Allah par ses actions. Par conséquent, la femme musulmane doit avoir la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui éprouve ses serviteurs et également qui donne des bienfaits à ses serviteurs. Ainsi, dans ce sujet, la femme musulmane doit avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Mais comment peut-elle avoir un bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par exemple, si elle est éprouvée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a éprouvée. Lorsqu'elle va obtenir un bienfait, elle va avoir la conviction que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé ce bienfait. Lorsqu'elle va tomber malade et qu'elle va guérir, elle va avoir la conviction que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a guéri. Quant à la deuxième catégorie de tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration, les savants ont défini ce tawhid comme étant ifradullah bi af'al al-ibad, unifier Allah Azza wa Jal par leurs actions, c'est-à-dire par les actions des serviteurs. Et ce qui est voulu par les actions des serviteurs, ce sont leurs adorations. L'éminent savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah a défini l'adoration comme étant ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. L'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Par conséquent, le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité de l'adoration, que la femme musulmane voue l'ensemble de ses adorations pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle prie, elle prie pour Allah Azza wa Jal. Lorsqu'elle jeûne, elle jeûne pour Allah. Lorsqu'elle place sa confiance, elle place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Elle craint qui? Elle craint Allah. Et ceci est valable pour toutes les adorations. Quant à la troisième catégorie de tawhid, qui est l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce tawhid consiste à affirmer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet comme nom et attribut, sans altération ni explication du comment ni assimilation. Et le bon comportement de la musulmane, le bon comportement de la femme musulmane concernant cette catégorie de tawhid est que la femme musulmane affirme tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui-même, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet comme nom et attribut, et également qu'elle médite sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle œuvre avec ce qu'impliquent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons par exemple le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami'a, celui qui entend tout. Si la femme musulmane à la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et qu'elle médite sur ce nom. Alors, lorsqu'elle va parler, elle va faire attention à ce qu'elle dit. Car Allah subhanahu wa ta'ala entend ce qu'elle dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala la surveille. Car parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on retrouve Ar-Raqib. Également, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Basir, celui qui voit tout. Par conséquent, si la femme musulmane a la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et également qu'Allah subhanahu wa ta'ala la voit tout le temps, cela va la pousser à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur de ces comportements et le plus important est le tawhid. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie de comportement. Et c'est le comportement vis-à-vis des créatures. Quel est le bon comportement que la femme musulmane doit adopter vis-à-vis des créatures? Cette réponse est venue dans le hadith de Aïcha radiallahu anha wa an abiha. On a questionné Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle répondit: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. Son comportement était conforme au Coran. Par conséquent, le comportement de la femme musulmane vis-à-vis des créatures doit être conforme au Coran. Ainsi, nous allons mentionner certains comportements qui sont venus dans le Coran. Le premier comportement que nous allons citer lors de cette conférence, c'est l'ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire que la femme musulmane, lorsqu'elle œuvre, elle doit faire preuve. La femme musulmane, lorsqu'elle œuvre, doit faire preuve de sincérité. Elle veut par son œuvre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et certains grands savants de l'islam attirent notre attention sur un point essentiel. Et ce point est que celui qui œuvre doit toujours avoir une intention pieuse. Doit toujours avoir une intention pieuse. Que son action fasse partie des ibadats, des adorations, ou que son action fasse partie des adats, c'est-à-dire les choses du quotidien. Car si la personne a une bonne action lorsqu'elle fait des choses de la vie quotidienne, elle sera certes récompensée. Elle sera certes récompensée. C'est pour cela que nous disons que la femme musulmane, même lorsqu'elle nettoie chez elle, lorsqu'elle fait le ménage, lorsqu'elle s'occupe de ses enfants, lorsqu'elle fait des choses de son quotidien, elle se doit d'avoir une intention pieuse. C'est pour cela que, si je ne me trompe pas, l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah a mentionné dans l'explication du premier hadith du livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, le hadith Innama al-a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par les intentions. Il a mentionné un enseignement bénéfique dans cela. Il a mentionné que les adorations des gens qui sont distraits sont des habitudes. Et les habitudes des gens qui sont éveillés et également qui sont pieux sont des adorations. Et il a expliqué sa parole. Car la personne qui est distraite, qui est firafla, cette personne-là, lorsqu'elle va œuvrer, elle ne va pas avoir une bonne intention. C'est-à-dire, elle va faire les choses machinalement. Elle va faire les choses par habitude. Lorsqu'elle va prier le asr, elle va prier le asr par habitude. Lorsqu'elle va donner l'aumône, elle va donner l'aumône par habitude. Donc, comme l'a mentionné Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, son adoration sera considérée comme une habitude. Par contre, les gens parmi les muttaqin, ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, eux, les choses du quotidien, leurs habitudes sont des adorations. Prenons par exemple celui qui va faire une sieste. Il va se reposer car il est fatigué. Il a comme intention de se reposer pour mieux adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour être plus prolifique dans la lecture du Coran, dans la lecture des ahadith, dans l'étude de la science, dans les prières surérogatoires, cette personne sera récompensée. Cette personne sera récompensée. Également, manger fait partie des habitudes. Mais cette personne, lorsqu'elle mange, elle a l'intention de prendre des forces pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre des forces pour prier, pour étudier la science, pour aller conseiller les gens, pour les exhorter et pour leur enseigner la religion, cette personne sera récompensée. Par conséquent, la femme musulmane doit toujours avoir une bonne intention. Doit toujours avoir une bonne intention. Et celui qui a une bonne intention, son action perdure. Pourquoi ? Car les salafs disaient « Ma kana lillahi yabqa »« Ma kana lillahi yabqa » »« Ce qui est pour Allah perdure. » Et nous allons donner un exemple. Certaines femmes musulmanes vont avoir un bon comportement envers leur mari. Car elles espèrent que leur mari change et soit bon envers elle. Donc elle va être douce, elle va avoir un bon comportement, elle va être avenante et autre. Et lorsqu'elle va voir qu'il n'y a pas de changement et qu'il n'y a pas de résultat, elle va délaisser son bon comportement. Pourquoi ? Car elle a fait ça pour son mari. Et elle a fait ça dans le but d'avoir quelque chose en retour. Au contraire de la femme musulmane qui a un bon comportement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a un bon comportement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette femme musulmane, qu'il y ait un résultat ou non, elle perdure. Elle perdure dans son bon comportement. ولهذا قال بعض السلف ما كان لله يبقى. Ce qui est pour Allah perdure. Lorsqu'elle avait l'intention de plaire à Allah Azza wa Jal, lorsqu'elle avait l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, son œuvre a perduré. Quant à celle qui a eu un bon comportement pour avoir une contrepartie, c'est-à-dire pour que son mari soit gentil avec elle ou autre, lorsqu'elle n'a pas vu de résultat, elle a délaissé son bon comportement. Et ceci nous montre l'importance pour la femme musulmane de toujours accompagner ses actions, na'am, d'une intention pieuse. Donc ceci est le premier comportement que la femme musulmane doit avoir dans son foyer. Également, parmi les comportements que la femme musulmane doit avoir dans son foyer, il y a la douceur. il y a la douceur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié dans son noble livre les bienfaits ainsi que les méfaits de la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre nous a clarifié les bienfaits ainsi que les méfaits de la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset: c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les méfaits de la dureté, qui est le contraire de la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Par conséquent, la femme musulmane qui fait preuve de dureté dans son foyer, celle qui fait preuve de dureté envers son mari n'a pas envie d'aller vers elle, n'a pas envie d'aller vers elle. Son mari n'est pas apaisé auprès d'elle. C'est pour cela, ikhwan fillah, que vous trouvez que certains hommes sont beaucoup dehors. Hein? Certains hommes, tu les vois beaucoup au café, au marché et autres. Quand tu lui dis: mais malak ya foulen, qu'est-ce que tu as, rentré chez toi? Il dit: je vais rentrer après. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apaisé auprès de sa femme. Il n'est pas apaisé. C'est pour ça qu'il, comme on dit, il retarde l'échéance le plus possible. Il retarde l'échéance le plus possible. Il va tourner au souk, il va aller à droite, à gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas apaisé auprès de sa femme. Pourquoi? Car sa femme fait preuve de dureté. Alors que la douceur a de nombreux profits. Ya Aisha, inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti ar-rifq ma la yu'ti al-'unf. Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à son épouse Aisha Umm Abdillah radiyallahu anha ou Aisha: Allah est doux et aime la douceur, et il donne à la douceur ce qu'il ne donne pas à la dureté. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc la femme musulmane qui est douce dans son foyer a tout à gagner, car c'est comme ça que l'amour de son mari va augmenter, et également l'amour de ses enfants. Une femme qui fait preuve de douceur, lorsqu'elle s'adresse à son mari, elle fait preuve de douceur. Lorsqu'elle s'adresse à ses enfants, elle fait preuve de douceur. Elle va être aimée. Elle va être aimée dans son foyer. Ainsi, elle aura tout à gagner. Elle aura tout à gagner à être douce. Surtout si elle est douce avec son mari. Également, parmi les comportements qu'on trouve dans le Coran, il y a le fait d'être un modèle pour les autres. Et la femme musulmane doit être un exemple et un modèle dans sa famille. Et pour que la femme musulmane soit un exemple et un modèle dans sa famille, il faut qu'elle emprunte une voie. Il faut qu'elle emprunte une voie très importante dans ce sujet. Et cette voie est le fait de faire devancer l'action à la parole. Le fait de faire devancer l'action à la parole. Je vais vous donner un exemple. La femme musulmane dans son foyer, lorsqu'elle va prier, elle va prier les 5 prières. Elle va faire des efforts pour accomplir les prières surérogatoires. Les enfants vont voir que Oumi accomplit les 5 prières ainsi que les prières surérogatoires. Donc lorsque la mère de famille va dire à ses enfants « Priez », ça va être plus propice à l'acceptation. Pourquoi ? Car elle-même prie. Mais si Oumi ne prie pas et qu'elle dit à ses enfants « Priez », les enfants vont dire « Mais Oumi, mais pourquoi toi tu ne pries pas ?» Tout simplement. Et le fait que Oumi ne prie pas, ceci ne va pas être propice à ce que les enfants prient. Également, certaines femmes musulmanes dans leur foyer n'ont pas un bon comportement. Elles vont être grossières, impudiques et autres. Et elles vont demander à leurs enfants d'être pudiques, d'accord, et de ne pas être grossiers. Les enfants vont dire, mais regarde Oumi ce que tu fais. Tu nous dis d'être pudique, toi tu es impudique et autres. Et ceci ne va pas être propice à l'éducation des enfants. Alors que lorsque la mère fait devancer l'action à la parole, ceci est plus propice à ce que les enfants la suivent dans le bien. Par conséquent, la femme musulmane doit être un exemple. Elle doit œuvrer, elle doit faire le bien et appeler les gens de sa famille à ce bien-là. Et ceci, barakallahu fikoum, est la voie des prophètes. Les prophètes faisaient le bien et étaient des exemples et ils appelaient à ce bien. Et ils appelaient à ce bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, dans de nombreux versets. Également, parmi les comportements que la femme musulmane doit avoir dans son foyer, le fait qu'elle regarde le comportement de celles qui l'ont précédée. Qu'elle regarde le comportement de celles qui l'ont précédée. Et ceux qui nous ont précédés ne sont autres que les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Et ce sont également les meilleures générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleures personnes sont les gens de mon époque, c'est-à-dire les sahaba, ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire les tabi'in, ensuite ceux qui les suivent, c'est-à-dire tabi'u tabi'in. Et lorsqu'on regarde le comportement des femmes, des pieux prédécesseurs, nous voyons des choses vraiment étonnantes. Nous voyons des choses vraiment très étonnantes en termes de comportement. Et j'aimerais qu'on médite sur la parole d'une d'entre elles. Je voudrais qu'on médite sur la parole de l'épouse de Saïd ibn Musayyib. Elle disait, nous parlions à nos époux comme vous parlez à vos gouverneurs. Allahu Akbar. Je répète, l'épouse de Saïd ibn Musayyib disait, nous parlions à nos époux comme vous parlez à vos gouverneurs. Comment on s'adresse ? Comment les gens s'adressent aux gouverneurs, en règle générale ? Ils s'adressent de la meilleure des manières. Ils s'adressent de la meilleure des manières. Les femmes des pieux prédécesseurs s'adressaient à leur mari comme les gens s'adressaient au gouverneur. Regardez certaines femmes aujourd'hui. Et nous ne faisons pas de généralité. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Lorsque vous parlez, soyez juste. Nous ne faisons pas de généralité. Mais certaines femmes musulmanes, regardez comment elles s'adressent à leur mari. Elles vont hausser le ton. Et elles vont parfois lui manquer de respect. Et ceci ne convient pas. Et ceci ne fait pas partie des comportements des femmes des pieux prédécesseurs. Méditez avec moi. Cette parole est immense. Cette parole est immense. Nos femmes, nos épouses, nos tantes, nos mères, nos voisines, nos cousines et autres doivent méditer sur cette parole et regarder où elles en sont par rapport à cette parole. Nous parlions à nos époux comme vous parlez à vos gouverneurs. Que chaque femme musulmane médite sur cette parole et qu'elle regarde où est-elle par rapport à ce comportement éminent. Également, nous pouvons mentionner ici pour appuyer, nous dire la parole de l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah, il dit, il convient à la femme de respecter son époux, qu'elle lui adresse la parole avec politesse et qu'elle ne hausse pas le ton sur lui. Fin de citation de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Également, parmi les comportements que l'on retrouve dans le Coran, il y a le pardon. Il y a le pardon. La femme musulmane, dans son foyer, doit faire preuve de miséricorde et elle doit pardonner. Et malheureusement, certaines femmes ont un manque dans cela. Qu'est-ce que certaines vont dire ? Hein, je pardonne, mais je n'oublie pas. Hein, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ou certaines vont être rancunières. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous mentionne ce comportement éminent. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de pardonner. Il dit Azza wa Jal qu'il fasse outre et ne fasse aucun cas du tort qu'ils ont subi. Quelqu'un pourrait se dire, s'il s'arrête là, pourquoi pardonner ? Pourquoi pardonner et faire miséricorde ? Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, dit, selon le sens, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand quelqu'un va te vexer ou il va te blesser, Il a certes fait une erreur envers toi. Mais toi, lorsque tu fais des erreurs, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Si c'est le cas, alors toi aussi, fais miséricorde aux autres. Fais miséricorde aux autres. Et si tu fais miséricorde aux autres, bi'ibnillah subhanahu wa ta'ala, Allah te fera miséricorde. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font miséricorde, le miséricordieux leur fera miséricorde. Fais miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux te fera miséricorde. Par conséquent, la femme musulmane doit faire preuve de miséricorde envers ses enfants et également envers son mari. Aussi parmi les comportements que la femme doit avoir dans son foyer, c'est le fait d'être proche de son mari. Et elle ne doit faire qu'un avec son mari. Et ceci est très important, surtout dans les relations et dans l'éducation. Car il y a un phénomène qu'on retrouve dans de nombreuses familles. On retrouve que les parents sont très souvent en divergence. Et il y a de nombreuses dissensions dans le couple. Et les enfants sont au milieu. Et vous savez, barakallahu fikoum, les enfants sont très malins. Les enfants sont très malins. Les enfants vont regarder leurs parents. Imaginons une situation. L'enfant veut quelque chose. L'enfant veut quelque chose. Le père dit non. Je ne veux pas. La mère n'est pas d'accord. Le bon comportement ici, c'est de régler ça en interne. C'est-à-dire que la femme va voir son mari et lui dit en interne, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Et ils discutent. Mais tout ceci en interne, pas devant les enfants. Car si la femme ouvre cette porte devant les enfants, l'enfant va voir ça et va dire Abi, il est dur. Donc moi, je vais aller vers Oumi. Il va dire, regarde Oumi, Abi, il ne veut pas me laisser faire telle et telle et telle et telle chose. Et ça, ça va créer des problèmes. Il voit que les parents sont soudés. Il y a une chose, le parent, donc le père, prend une décision et la femme est derrière son mari. Et derrière son mari. Alhamdulillah, c'est un bien. L'enfant va voir que ça soit Oumi et Abi, c'est la même chose. Mais s'il voit des dissensions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent, par exemple, dans ce cas, il va pencher vers sa mère. Et il va toujours dire, regarde Oumi, Abi, il est dur, Abi, il ne me laisse jamais faire ça, etc., etc. Et parfois, la mère va se ranger du côté de son fils ou de sa fille. Et ça va faire des divergences et des dissensions. C'est pour cela que les savants nous disent que les époux doivent être soudés. Et si la femme n'est pas d'accord avec son mari, alors qu'elle s'isole avec lui. Qu'elle s'isole avec lui. Et elle lui dit, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Et le mari lui explique pourquoi il a pris cette décision. Pour que la kalima soit unique et pour qu'il y ait l'union. Comment appelle-t-on les gens de la sunna? Ahl sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna et quoi? Et de la jama'a. L'union, ikhwani fillah. Cette union, on doit l'avoir dans nos familles. On doit l'avoir entre nous, entre frères. On doit l'avoir également dans nos familles. C'est très important. Et on doit fermer la porte aux divisions. Par conséquent, lorsque le mari prend une décision, et que la femme n'est pas d'accord avec lui, et ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Les époux ne peuvent pas être d'accord sur tout, mais ce problème doit se régler en interne. Également, parmi les comportements que la femme musulmane doit adopter dans son foyer, il y a le fait de toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et également de se plaindre à lui. Et ceci, barakallahu fikoum, est très important. La femme musulmane doit sans cesse revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle doit se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous enseigne le Coran. Et nous allons mentionner deux exemples. Nous allons mentionner l'exemple du prophète Nuh alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple au tawhid pendant 950 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ankabut: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé Nuh à son peuple et qu'il est resté parmi eux 950 ans. Il les a appelés au tawhid, à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont pas cru en lui pour la plupart et l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plaint à Allah azza wa jal. Il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième exemple, l'exemple de Yaqub alayhi salam. L'exemple de Yaqub alayhi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Il s'est plaint à Allah azza wa jalla, il était très triste. Il était très triste d'avoir perdu Yusuf alayhi salam et son frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme musulmane qui est touchée par une épreuve doit tout d'abord se plaindre à Allah azza wa jalla. Et ça, c'est très important, car il y a de nombreux problèmes concernant ce sujet. Lorsque la femme musulmane est éprouvée, ou encore lorsqu'elle a des problèmes avec son mari, la première des choses, et je dis bien certaines femmes musulmanes, la première des choses, on prend le téléphone, salam alaykoum wa rahmatullah, ourti, est-ce que tu peux venir à la maison? La sœur vient à la maison, elle déballe tout. Il m'a fait telle chose, il m'a fait telle chose, il m'a fait telle et telle et telle et telle chose. Elle déballe tout. Comme on dit dans le jargon, elle vide son sac. Et ensuite, si cette sœur en question ne craint pas Allah, elle va répandre l'information. Par conséquent, beaucoup de gens vont savoir ce qui se passe dans le foyer de cette sœur. Et certains secrets vont être dévoilés. Et ceci est une porte au trouble. Et il n'y a pas de doute que ceci est interdit. Lorsque la femme musulmane est éprouvée, lorsqu'elle a des problèmes avec son mari, elle se plaint à Allah. Et ces problèmes doivent se régler en interne. Ces problèmes doivent être réglés en interne. Elle s'assoit avec son mari et ils discutent de leurs problèmes. Si après plusieurs assises le problème persiste, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de mal que la femme musulmane revienne aux gens de science. Elle envoie par exemple une question aux gens de science, parmi les gens de la sunna. Elle envoie une question. Voilà la question d'une sœur. Elle dit: la sœur est dans telle et telle et telle situation. Elle n'a pas besoin de dire: je suis Oumou Foulen, la femme de Abou Foulen, qui prie dans telle mosquée, etc. Non. Il lui suffit juste de dire par exemple: voilà, je suis dans telle et telle et telle situation. Et elle envoie sa question. Et ce cheikh-là, donc ce savant, cet étudiant en sciences ou autre, qui est habilité à répondre à ce genre de questions, va la conseiller. Mais ce genre de procédé, vider son sac, d'accord, et parler des secrets de son foyer, ceci est interdit. Ceci est interdit et ceci n'est pas le comportement que la femme musulmane doit adopter dans son foyer. Et ceci a certes des conséquences néfastes. Également, la femme musulmane doit avoir la conviction. La femme musulmane doit avoir en tête que lorsqu'elle est éprouvée, il faut qu'elle se réforme. Et lorsqu'elle va se réformer et qu'elle va changer, Allah subhanahu wa ta'ala va améliorer sa situation. Allah azza wa jal dit dans sourate Ar-Ra'd: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ar-Ra'd, sourate le tonnerre: Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il est en eux-mêmes. Lorsque la femme musulmane est éprouvée et qu'elle veut que les choses changent, elle doit se réformer. Et si elle se réforme et change, Allah subhanahu wa ta'ala va la faciliter. Et Allah subhanahu wa ta'ala va changer sa situation. Et nous allons terminer cette conférence par un comportement qu'on doit retrouver chez la femme musulmane dans son foyer. Et il aurait même été préférable de commencer par ce comportement. Et ce comportement n'est autre que la crainte d'Allah Azza wa Jal. Car comme les savants l'ont mentionné, la crainte d'Allah est la base de tout bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Et regardez de quoi est composé ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Le mot makhrajan, qu'on traduit par issue favorable, est indéfini. En arabe, on dit nakira. Et le mot indéfini, nakira, lorsqu'il est précédé par une particule qui indique la condition, telle que men, qu'on traduit en français par quiconque, ce mot indéfini montre la généralité. C'est pour ça que les savants disent al nakira fi siyaq al shart tufid al umum. Tufid al umum. Le mot nakira, indéfini, lorsqu'il est précédé par une particule de condition, il indique la généralité. Par conséquent, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset: Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable, c'est-à-dire dans toute chose, c'est général. C'est-à-dire, tu crains Allah Azza wa Jal dans ton mariage, Allah te donnera une issue favorable. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala dans l'éducation de tes enfants, Allah te donnera une issue favorable. Tu crains Allah dans ta da'wa, Allah te donnera une issue favorable. Et ceci est général. Et ceci est général. Et il y a certes beaucoup de profit dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons terminer par un des profits de la crainte d'Allah. Et ce profit est venu dans un verset de sourate Al-Anfal, sourate le butin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui avez cru, Si vous craignez Allah, Allah vous donnera le discernement. Et les savants ont dit que le discernement, c'est le fait que la personne fasse la différence entre le bien et le mal, ce qui lui est profitable et ce qui lui est nuisible. Donc voici certains comportements que la femme musulmane doit adopter dans son foyer. Il n'y a pas de doute que ce sujet est très long et que ce sujet également et qu'il nécessite plus qu'une conférence, mais malgré ça, il n'y a pas de mal à mentionner certains de ces comportements dans une seule conférence, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette conférence et ce que nous avons entendu lors de cette conférence soit une preuve pour nous et non contre nous. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.